Chapitre 13e. La preuve de mort. Mais Sidon croyait que son cœur avait cessé de battre, que le sang s'était retiré de ses artères. Elle avait deviné maintenant la cruelle raison de cette fête donnée chez elle, malgré elle, par ses hommes. Ils célébraient leur victoire. Ils clamaient la gloire de Zygomar, le maître Zygomar, toujours vainqueur. Ils fêtaient la défaite de leur ennemi, la mort de Paulin Broquet. Et cependant, Miss Hidden, cette concession faite à la faiblesse de la femme qu'elle était, Miss Hidden, magnifique lutteuse, par un acte de volonté magnifique, se ressaisit promptement. Elle reprit toute son énergie, toute sa présence d'esprit et toute sa confiance dans le triomphe du droit et de la justice. Elle pensa que, bien qu'aujourd'hui tout ait été fort chaoté dans l'univers, il était impossible pour la marche de l'humanité que le mal fût le plus fort. Et ces bandits achevaient à peine de chanter leur victoire qu'elle pensait déjà à la revanche de Paulin Broquet. Certes, elle pouvait supposer que Zygomar était parvenu à porter un coup à son ennemi. Il n'est pas de guerre où le vainqueur ne doive payer sa victoire. Les rayons de la gloire sont rouges des reflets du sang versé. Il se pouvait que Paulin Broquet en ce moment passât par une phase difficile, se trouvât dans un mauvais pas. Mais de là, à n'en jamais sortir, il y avait loin. Paulin Broquet, après ce coup, apparaîtrait, comme toujours, plus fort, plus dispos que jamais. Miss Hidden alors pensa précisément aux paroles que Zygomar, tout au début du dîner, lui fit entendre au sujet du détective. Elle dit, de sa voix caressante, avec une légère pointe d'ironie, « Vous chantez victoire, messieurs, mais vous avez peut-être oublié la fable de l'homme qui avait vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué ?» Zygomar répondit très grave, « Paulin Broquet est mort, en êtes-vous certain ? Nous allons vous en donner la preuve. Quand ? Tout de suite, car il est mort ici. Ici ? Dans le pavillon de cristal. Ce sont les serpents qui se sont chargés de la besogne et ont joué le rôle de bourreau. » Miss Hidden poussa un cri de terreur. « Comment ? Vous avez osé ? Vous avez commis ce crime ? C'est épouvantable. Ici, chez moi ?» Zygomar sourit. « Cher ami, je me suis servi de l'amour que Paulin Broquet a pour vous, pour l'attirer dans mon guet-apens, cette fois infaillible. C'est lâche, c'est odieux. À la guerre, toutes les armes sont bonnes, si elles tuent sûrement. Et la ruse n'est plus infâme, odieuse ou lâche quand elle a réussi. » Et tout bas, il dit vivement à l'oreille de Miss Hidden, « En le tuant chez vous, où l'amour l'attirait. Du même coup, je tuais mon ennemi redouté et mon rival abhorré. Mon rival. Car si vous aimez lui, vous l'aimiez, vous, peut-être plus encore. Et moi, je vous aime. » Puis, laissant Miss Hidden, qui défaillante était retombée dans sa chaise et pleurait, il dit quelques mots à l'un des aides faisant le service. Ce aide sortit. Deux ou trois minutes après, il revenait et annonçait « Maître, c'est fait. » Zygomar alors tendit la main à Miss Hidden. « Cher ami, nous allons constater la mort de Paulin Broquet. Voulez-vous prendre la peine de nous suivre ?» Miss Hidden ne prit pas la main que lui offrait Zygomar, mais grave, énergique, froide, elle s'engage avec lui dans le couloir que nous connaissons et qui conduisait à la fameuse porte de fer, sans clé, sans rainure, donnant sur les trois marches de marbre du pavillon de cristal. Zygomar, qui précédait Miss Hidden, appuya sur le ressort secret faisant manœuvrer la porte. La porte s'ouvrit, sans bruit, toute grande, et la serre apparut brillamment illuminée. Les globes électriques étincelaient. Mais comme la porte s'ouvrait, un cri de douleur, d'effroyable torture, d'épouvante retentit. Et ce cri n'avait rien d'humain. C'était une sorte d'articulation informe, d'appel incompréhensible, de gémissement. C'était le cri qu'eût poussé un animal blessé. Et cependant, l'intonation de ce cri, le timbre, révélait une voix d'homme. À ce cri, Zygomar s'arrêta surpris, anxieux. Comme lui, Tom Twig tressaillit, et les autres aides, formant le cortège, s'entre-regardèrent avec effroi. Quant à Miss Hidden, ce cri amena chez elle un revirement soudain. Jusqu'ici, Zygomar, rayonnant, sûr de son triomphe, et Miss Hidden, malgré sa confiance en la force, le courage, l'adresse de Paulin Broquet, malgré sa foi en la justice immanente, tremblait pour le détective, attiré dans un piège effroyable dont elle connaissait, elle, plus que tout autre, le danger, puisqu'il avait été préparé par elle-même. Et maintenant, après ce cri, Zygomar et ses compagnons, qui cependant pouvaient se croire certains de la réussite de leur combinaison infernale, s'arrêtaient, inquiets, sur le pas de cette porte, tandis que Miss Hidden, ayant soudain, d'intuition, repris confiance, relevait la tête, et les yeux illuminés de joie s'écriait « Eh bien, messieurs, qu'attendez-vous pour constater la mort de Paulin Broquet ? Quoi ? Vous n'osez plus poursuivre sur le chemin de votre triomphe ? Et vous vous laissez arrêter par le cri suprême du vaincu, de votre victime ?» Zigomar s'inclina. « Vous avez raison, cher ami. C'est sans raison que nous nous arrêtons. » Se tournant vers ses hommes. « Allons voir, messieurs, comment les boas digèrent un détective. » Il passa par la porte, et de nouveau, il s'arrêta brusquement. Du perron surmontant les marches de marbre, on dominait l'allée centrale, on voyait jusqu'à la porte de cristal à l'autre bout de la serre. Or, là-bas, près de la porte, bien en lumière, dans un profond fauteuil d'osier, tranquillement, fumant sa cigarette, se tenait Paulin Broquet. Un cri s'échappa malgré elle de la gorge oppressée. « Du cœur, serait mieux dit, » de Miss Eden à cette vue. « Vivant, il est vivant !» Aussitôt une voix près d'elle cria. « Pas pour longtemps, ma chère, voyez. Paulin Broquet est un homme mort. » Se disant, Zigomar étendit le bras. Dans sa main, il tenait son revolver. Il fit feu. Zigomar, nous le savons, était un tireur de la force de Paulin Broquet. Lui non plus ne perdait jamais sa balle. Il devait fatalement abattre le détective qui, là-bas, dans le grand fauteuil d'osier, au bout de l'allée droite, lui offrait une cible admirable. Et cependant sa balle, alla briser une des glaces de cristal du plafond. Miss Eden, lui, avait d'un coup de main détourné l'arme et fait sauter des doigts le revolver avant qu'il pût faire feu une seconde fois. Paulin Broquet alors se leva promptement. Il tira d'un sifflet d'argent quelques sons extrêmement perçants que ses hommes devaient entendre, et comme le même signal était répété dehors, il se précipita seul contre Zigomar et toute sa bande. Tom Twig le mit en joue à son tour. Mais de nouveau Miss Eden arrêta le canon de l'arme. Une lutte s'engagea entre elle et la bande des aides. Elle les repoussait dans le couloir, essayant de faire jouer le ressort qui commandait la manœuvre de la porte de fer, espérant mettre une barrière entre Paulin Broquet, seul, et la bande de Zigomar. La lutte fut ardente, terrible, mais tout à coup, Miss Eden poussa un grand cri. Elle cessa de lutter, et ouvrant les bras, comme pour fermer encore le couloir, défendant Paulin Broquet, elle tomba en arrière. Zigomar, furieux, venait de lui planter un poignard dans les épaules. Quand Miss Eden tomba, Paulin Broquet arrivait au pied des trois marches de marbre. Il la reçut dans ses bras. « Oh ! » s'écria-t-il. « Les lâches, ils l'ont tué !» Il tourna la tête pour crier aux assassins. « Lâche, misérable, qui avait frappé une femme !» Mais il vit que les aides braquaient sur Miss Eden leur revolver. Alors il fit demi-tour et d'instinct se plaça devant la jeune femme pour la protéger, lui faire un rempart de son corps. Et promptement, mais avec dévotion, il déposa à terre, sur le gravier, la femme rousse. Puis, fou de colère, de rage, fou aussi de douleur, son revolver au poing, pouvant maintenant tirer sans crainte de frapper Miss Eden, qui tout à l'heure, en voulant le défendre, se tenait devant Zigomar et le protégeait par la même, il se précipita à l'assaut du couloir et fit feu. Mais les balles s'aplatirent sur la porte de fer qui venait d'être fermée. Zigomar, Tom Twig et tous les aides disparurent devant les Broquets qui accouraient au signal de leur chef. Quand les hommes du détective, entraînés, guidés par Gabriel, l'amorce, arrivèrent, descendirent dans la serre, dans le pavillon de cristal, ils trouvèrent Paulin Broquet à genoux, devant le corps de Miss Eden, et Paulin Broquet pleurait.